Dans votre cyber-revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginat, je serai avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 16 septembre 2010. Et puis cette semaine, chers auditeurs, chères auditrices d'Europe et du Québec, de la francophonie, nous allons parler sur l'émission, évidemment, d'actualité mondiale. Nous allons traiter aussi du Moyen-Orient. Alors, on va faire un tour d'horizon. Puis, ben, ça devrait être ça, avec de la bonne musique intercalée entre ces segments. Ici, de vos nouvelles essentielles de la semaine. Alors, pour les nouveaux arrivés, ceux qui viennent seulement de découvrir l'autre monde, eh bien, vous savez que toutes les nouvelles ici, vous devez savoir que toutes les nouvelles, toutes les informations dont je discute sont documentées et vous allez, pour la plupart, à part si je passe une diatribe personnelle, alors normalement, les nouvelles, les éléments des nouvelles se retrouvent en ligne sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. Alors, vous allez sur le blog et puis vous allez trouver chaque semaine tous les liens. Alors, vous pouvez aller compléter la lecture, vous informer davantage et puis voilà quoi. Donc, c'est le but ici de l'émission, c'est pas de creuser nécessairement toutes les nouvelles, c'est de vous rapporter les nouvelles les plus importantes et puis d'apporter ceci à votre attention, de stimuler votre réflexion et de vous inviter à l'action. Et puis cette action, ben, elle fait partie aussi de ce mouvement, d'aller s'informer, puis d'aller chercher, de creuser encore plus par vous-même, d'accord? Alors évidemment que quelquefois nous avons des sujets particuliers, comme la semaine passée, nous avons creusé le dossier du recrutement militaire dans le milieu écolier, dans le milieu scolaire. Alors, ça arrive que on traite des sujets en particulier. Vous avez aussi sur la page de l'Autre Monde, sur le site de Choc FM, plusieurs entrevues qui sont en lien. En fait, c'est toutes les entrevues qui ont été réalisées ici sur l'Autre Monde. Alors, vous savez, on est en onde ici depuis 2007, je crois. Alors, je crois qu'on va commencer notre cinquième année. Alors, on est en notre quatrième année ici. Alors, ça va rondement. On en est aussi très avancé dans le nombre d'émissions qui sont d'ailleurs, en général, toutes en archives. En fait, c'est les trois dernières années au complet qui sont dans les archives normalement. Mais j'en ai retrouvé même passé ça. Donc, vous pouvez aller aussi, vous taper toutes les archives. Et puis, vous savez, la plupart des informations qui sont contenues là sont encore d'actualité. Alors, n'ayez pas peur que les émissions soient démodées. Donc, nous en sommes à la 154e émission cette semaine, imaginez. 154e émission, toujours avec vous, sur l'émission numéro 1 de la chaîne Choc FM. Alors, voilà, donc c'est toute une introduction. Vous devez savoir ce qu'il y en est. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne YouTube de L'Autre Monde qui est tenue par notre correspondant français, Stéphane Poutois. Alors, merci toujours à Stéphane de mettre autant d'énergie à séparer l'émission en blocs et puis vous pouvez aller à ce moment-là télécharger ces blocs-là ou les coller un peu partout sur le web. Je vous y invite fortement. C'est important qu'on joue le rôle des médias et qu'on fasse circuler l'information. Alors, c'est là qu'on en est. Donc, voilà, on va y aller avec des nouvelles de l'actualité. On va y aller, je pense, j'ai goût d'y aller avec BP. On va commencer avec BP. Il y a des nouvelles qui sont sorties. Je n'avais pas fait de topo là-dessus sur l'émission depuis au moins 2 semaines. Alors, allons-y avec quelques nouvelles les plus importantes dans ce dossier qui n'est pas réglé. Non, qui n'est pas réglé. On a toujours des problèmes avec ça et puis on va s'en ressentir pendant des années et des années, ça c'est certain. On a ici des agents du Homeland Security, du département de la sécurité aux États-Unis, qui ont utilisé le prétexte de la sécurité nationale pour confisquer des échantillons et puis des notes qui ont été prises sur les dispersants. Alors, voyez, c'est assez hallucinant. Maintenant, on se retrouve avec le Homeland Security qui travaille maintenant pour BP. Hein, c'est fantastique. Et ces gens-là, ben, ils se promènent dans la région du Golfe et vous avez des gens qui sont là, soit des pêcheurs, vous avez des sortes d'employés ou des gens qui habitent tout simplement dans la région. Et il y en a qui se sont mis ensemble, ont formé des groupes et puis ben, on prend des notes et puis on teste la qualité de l'eau pour voir qu'est-ce qui se passe avec la toxicité de l'eau qui se retrouve dans le Golfe du Mexique. Et ben là, on se retrouve avec des agents du département du Homeland Security qui ramassent et qui confisquent ces données-là qu'on récolte. Alors, imaginez, on se demande s'ils sont en train de virer carrément, là, clairement, dans un état totalitaire. Il y a des évidences aussi qui continuent de s'accumuler et puis qui pointent dans la direction que BP continue bel et bien d'utiliser des dispersants toxiques, alors le Corexit. Donc, ça aussi, c'est assez évident, je crois, là. Donc, vous avez la nouvelle qui est là officiellement, là, mais vous devez comprendre que si c'est pas BP qui le fait directement, on a déjà des évidences très claires qui montrent que BP a donné des contrats à des compagnies privées pour le nettoyage. Alors, ces compagnies privées-là utilisent le dispersant. Alors, BP peut arriver dans les médias et dire, nous, on s'en sert pas, non, aucun problème. Sauf que les gens qui s'engagent s'en servent eux. Alors, voyez un peu, là encore, les mensonges, les manipulations qui continuent de rouler rondement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a retrouvé, bon, on continue de retrouver du pétrole un peu partout. Là, c'est une genre de, un gros amas. C'est comme une grosse bulle de pétrole qu'on a retrouvée qui mesure plus d'un mètre de large et 30 cm d'épaisseur. Et on a retrouvé aussi, ça dans la région de Shallon, dans Louisiane, on a retrouvé dans les rivières en fait, des centaines de milliers de poissons morts. Alors, on n'a aucun test, on n'a aucune vérification qui est faite pour savoir si cela est causé par BP ou si c'est causé par de quoi d'autre. Alors, voyez, on essaie vraiment par tous les moyens là, de faire en sorte qu'on n'a aucun test qui soit fait, qu'on essaie de relier le moins possible tous les événements bizarres qui se passent dans le golfe du Mexique à BP. Donc, c'est assez étrange. Alors, on parle vraiment, j'ai vu les photos, allez voir une vidéo là. Où c'est que vous allez pouvoir voir une rivière qui est couverte de petits poissons morts et de crabes et de toutes sortes d'espèces. Alors, c'est pas juste une espèce de poisson, mais c'est toutes sortes d'espèces de poissons et d'autres créatures qui vivent dans l'eau. Alors, ça aussi, là, c'est assez spécial. On a retrouvé une baleine morte et d'autres milliers de poissons morts près de Venise. Ça, c'est dans un canal de livraison de marchandises. Alors, des centaines de milliers, non, ça, c'est des milliers de poissons qu'on a retrouvés morts et puis une baleine morte, imaginez. Alors, vous avez aussi d'autres espèces comme les crabes, vous avez les raies, vous avez toutes sortes de différentes variétés de poissons aussi. Donc, normalement, on dit, ça peut arriver, là, des fois, avec la toxicité déjà de la rivière du Mississippi, qu'on se retrouve avec une espèce ou deux qui souffrent et puis qu'on retrouve en grande quantité de poissons morts. Sauf que là, on parle entre 5 et 10 espèces différentes qui sont toutes là, mortes en même temps, à la même place. Alors, ça aussi, là, ça soulève de sérieuses questions par rapport à ce qui se passe réellement dans le golfe. On sait bien qu'on n'a pas toute la vérité. Après ça, une autre nouvelle assez étonnante ici. On se demande dans la nouvelle, dans le titre de la nouvelle, pourquoi que le géant BP, cette grande pétrolière, contribue à développer des curriculums, alors des programmes scolaires sur l'environnement. Imaginez, complètement débile, vous avez BP qui participe à développer des programmes scolaires dans le volet environnemental. C'est manaque, hein? Déjà que ces gens-là viennent de probablement tuer carrément la vie, la chaîne alimentaire du Golfe au complet, du Mexique. Et puis là, ces gens-là, après ça, sont là à participer à l'élaboration de des programmes scolaires au niveau environnemental. C'est complètement débile. Je veux dire, BP qui est seulement, oh, c'est à peine, écoute, on devrait même pas mentionner des faits comme ça. BP qui est juste responsable de la plus grande catastrophe environnementale aux États-Unis, de toute l'histoire des États-Unis, imaginez. Capoté ben raide. Alors, voilà des nouvelles à vous faire friser les cheveux naturellement. Alors, le coiffeur qui va perdre beaucoup de profit, écoutez. OK. Alors, là, on apprend dans une autre nouvelle ici que vous avez les autorités fédérales là, aux États-Unis qui ont expliqué cette semaine que les puits de secours pour aller intercepter le fameux puits qui apparemment aurait été colmaté, mais qui ne l'a jamais été. On vous a présenté les images d'un autre puits. Imaginez le niveau des mensonges, incroyable. Alors, on vous dit que là, on vient de repousser l'horaire, on vient de repousser cette histoire-là au mois d'octobre. Alors, vous voyez, on a peint de la misère, on ne sait pas comment y arriver. C'est la catastrophe totale, chers auditeurs. Des scientifiques qui ont trouvé de très épaisses. On dirait des très épais panaches de pétrole qui reposent sur le fond marin, alors sous le golfe du Mexique. Alors ça aussi, c'est constant dans plusieurs nouvelles. On retrouve des quantités impressionnantes de pétrole qui s'est déposé sur le fond marin. Alors on les a fait caler avec les dispersants chimiques qu'on continue d'ailleurs à utiliser. Voyez un peu là, ça aussi, là, toute cette histoire-là, c'est que la majorité du pétrole, c'est qu'on ne le voit pas, il est sous la surface, on le fait caler, et puis malgré tout ça, on retrouve plusieurs sites tout le tour de la région du Golfe du Mexique où on retrouve des quantités de pétrole qui s'échouent sur les plages et puis sur les côtes. Donc voilà, et puis là vous avez aussi des gens qui, comme je vous disais, étaient engagés par BP pour faire les opérations de nettoyage. BP ne vont pas, ne paient pas leurs frais, alors ne paient pas les factures. Alors les gens sont obligés d'arrêter de travailler et puis d'effectuer le nettoyage. Alors BP vraiment agit d'une façon honteuse, même encore aujourd'hui. On a retiré le fameux BOP, donc le Blowout Preventer. Qui pèse plusieurs, je crois, c'est plusieurs dizaines de tonnes, c'est pas des centaines de tonnes, c'est une affaire incroyable, ce truc-là. Donc, on va le mettre dans un hangar et puis ouvrir des enquêtes. Alors, bon, on se demande tout le temps la question de savoir qui va mener les enquêtes, à savoir le dossier de BP, c'est assez hallucinant. On peut pas vraiment s'attendre à voir la vérité, mais en tout cas, cette opération-là a été faite. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a un site Internet public qui a été créé pour examiner les données, alors les données environnementales. Alors ça peut être intéressant pour les gens qui cherchent à savoir plus ce qui se passe. Donc, allez voir ça. Vous avez une vidéo ici sur une expérimentation avec le Corexit. Alors, ça aussi, là, vous allez voir que le Corexit a malheureusement la propriété de faire en sorte que non seulement il disperse le pétrole, mais fait en sorte que ce pétrole-là se mélange de façon homogène dans l'eau. Alors, normalement, vous avez le pétrole qui décante à la surface, hein? Donc, ça aussi, là, on sait tout ça, l'huile, même si on met de l'huile dans l'eau, alors décante et puis se ramasse à la surface. Sauf que quand on ajoute le Corexit, ce qui arrive, c'est que le pétrole, on dirait, se mélange de façon complètement uniforme avec l'eau, donc se retrouve de façon répandue, complètement bien mélangée avec l'eau. Donc, ça aussi, c'est pas de quoi vraiment qui aide, là, hein? Donc, c'est vraiment une utilisation de dispersants chimiques pour faire en sorte qu'on cache l'ampleur réelle des dégâts et puis pour limiter les amendes au niveau environnemental que BP a à payer ou aurait à payer, hein? Donc voilà, vous avez ici une autre vidéo des dispersants qui sont encore étendus en Floride et puis en Alabama. Des vidéos qui montrent de façon très claire qu'on continue toujours à utiliser ce dispersant chimique. Vous avez trois différents docteurs qui ont trouvé des métaux lourds et puis de l'arsenic dans le sang des gens qui travaillent autour et qui vivent autour du golfe du Mexique. Alors, on parle de métaux lourds et des toxines très importantes là, qu'on retrouve dans le sang. Il y a plusieurs nouvelles aussi qui ont rapport à ça. On a du pétrole qui continue de fuir de partout. Alors, ça aussi, là, vous avez différentes vidéos aussi. Vous allez voir du méthane, des hydrates de méthane qui s'échappent, même du fond marin. Alors, ça, c'est très, très spécial. Vous avez ici un autre travailleur de nettoyage de BP qui montre des pelletées de sable qui contient du pétrole liquide. Alors, ça, c'est assez hallucinant, alors que c'est encore même dans l'eau. Le pétrole liquide dans l'eau, débile, débile de voir ce qu'on retrouve. Un autre ici, vidéo sur des tests sanguins qu'on a fait sur les résidents de la région du Golfe qui montrent de l'éthylbenzène et puis des hydrocarbones. Alors, on retrouve ça dans le sang des gens, OK? Ici, on parle d'un officiel du Mississippi qui a trouvé que 80-90% des huîtres ont été retrouvées mortes. Alors, on dit ici que, il n'y a aucune évidence que le pétrole aurait contribué à la mort de ces huîtres-là. Donc, évidemment, ce n'est pas BP qui est responsable. D'autres baleines ici dans une nouvelle qui se sont retrouvées échouées sur les côtes de la Floride. Mon Dieu, on a une autre aussi 2 semaines. Vous savez, je n'ai même pas le temps de parler de toutes les nouvelles. Il y a 2 ou 3 semaines, on a une autre plateforme qui a explosé dans le golfe du Mexique, pas loin du site où le Deepwater Horizon a explosé. Alors, vous voyez, ça aussi, là, on a de plus en plus de pollution. Alors, c'est loin de s'arrêter. Suite à l'explosion de cette plateforme-là, on a retrouvé des fuites qui mesuraient plusieurs kilomètres de long. Cette plateforme-là qui produisait 1 400 barils de pétrole par jour. Alors, c'est pas des bonnes nouvelles, c'est pas des bonnes nouvelles. Vous avez un autre pétrolier, un de ces gros bateaux là, qui transporte le pétrole qui s'est échoué dans le passage du Nord. Alors ça se trouve à être dans le Nord canadien. Alors, ça va pas très bien là avec les catastrophes et les pollutions, les déversements, les fuites de pétrole un peu partout à travers la planète, comme vous voyez. Vous avez aussi des résidents qui ont été avertis par les autorités fédérales au Wyoming, aux États-Unis, que ils ne devaient pas boire l'eau publique. Alors, l'eau qui se retrouve dans les robinets, on parle des gens qui habitent proche d'un site de forage de pétrole. En fait, ici, c'est de gaz naturel. Alors, faites attention si vous habitez dans une section où on a une compagnie qui opère des opérations comme ça de drillage, de forage de pétrole, autant de pétrole que de gaz naturel. Alors, on retrouve du benzène, des métaux lourds, du naphtaléne, des phénols, du méthane dans les puits, les nappes phréatiques environnantes, et puis ça se retrouve même dans les sources qui se retrouvent dans les robinets des gens. N'est-ce pas fantastique? C'est complètement débile. Et puis, vous avez les voisins de d'un autre plan ici. On parle de BP encore. Alors, BP qui se fout carrément des normes environnementales et puis des gens qui habitent autour de leurs installations. Alors que vous avez eu plusieurs enfants qui se sont retrouvés avec des problèmes respiratoires. Donc, voyez là, que ces grandes compagnies-là se foutent complètement de votre santé et de savoir comment que vous comportez. Donc, c'est pas mal ça. Vous avez ici une série de vidéos. Ça parle de quoi? De comment que le Gulf Stream est en train de mourir. Alors, ça vient de Lord Stirling, personnage de l'intérieur qui a une certaine, je dirais, stature pour parler de ça. Donc, quelqu'un de très crédible. Alors, allez voir ça. Ben, voilà pour le dossier de BP. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va maintenant se tourner vers les nouvelles de l'économie. L'économie, l'économie. Qu'est-ce qui se passe là? 60% des Canadiens vivent d'une paye à l'autre. Alors, on n'a même pas assez d'argent de prévoir là, 3 semaines plus tard dans le futur. Les Canadiens qui, s'ils manquent une paye ou s'ils se trouvent à être coupés sur une paye, ne sont même pas certains de survivre jusqu'à le prochain chèque. Imaginez, ça aussi, là, ça vous montre à quel point que la situation économique au Canada s'empire. Et là, on parle de 6 Canadiens sur 10 qui ont de la misère à survivre au-delà d'un chèque de paye. Alors, c'est assez critique. Vous avez Statistique Canada aussi qui a révélé que le revenu des maisonnées a baissé de 0,6% dans le second quart économique. Principalement dû à cause des pertes dans le stock market, OK, donc dans la bourse. On parle aussi des jeunes travailleurs qui ont de plus en plus de troubles à se trouver de l'emploi et puis arriver à subvenir à leurs dépenses minimales. Alors, imaginez, c'est assez hallucinant. On parle des 2 tiers de ceux qui sont âgés entre 18 et 34 ans qui ont déclaré avoir beaucoup de difficultés ou de la difficulté ou quelques difficultés à rencontrer, finalement, à boucler le budget et en arriver à supporter leurs obligations financières. Donc, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. Évidemment, les parents qui sont seuls, alors les familles monoparentales ont beaucoup plus de difficultés en arriver aussi à boucler la fin du mois. On a un autre article ici qui parle d'un Américain sur sept qui vit dans la pauvreté. Ça aussi, là, ça, c'est un fait assez inquiétant aux États-Unis. Alors, vous voyez que ça va ensemble. Vous avez Buffett qui a déclaré que le marché, l'économie était pour continuer à la baisse. Alors, vous voyez que les plans économiques de Barack Obama ne fonctionnent pas du tout. On a sauvé Wall Street alors qu'on a laissé la classe moyenne s'effondrer. Ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Alors, vous avez 45 millions d'Américains qui se retrouvent sous la ligne de la pauvreté sur un total d'une population de 307 millions de personnes. Alors, c'est spécial. Hein? Vous avez une autre nouvelle ici publiée sur Global Research qui parle d'un effondrement global du système de la monnaie fiat, de la monnaie de papier qui ne vaut rien, qui est un système basé sur la dette. On discute ici de ces banques qui ont dit en anglais too big to fail, alors trop grosses pour laisser s'écrouler, si vous voulez, qui malgré tout risquent de s'effondrer, de faire banqueroute d'ici le premier quart financier de 2011. Alors, on risque de voir, comme je vous disais, et puis comme je vous en avertis depuis plusieurs mois, assister à un autre tsunami financier, assister à une deuxième vague de crash économique qui risque d'être beaucoup plus importante et violente que la première qu'on a vécue. Ça, vous avez plusieurs signes, je vous en parle depuis plusieurs mois. Il y a plusieurs trucs à surveiller. On risque d'assister à ce qu'on appelle une fermeture des banques généralisée aux États-Unis. Alors, on risque de fermer les banques pendant plusieurs jours, c'est pas des semaines. On a peur qu'on ait, en anglais, on appelle ça une run on the banks. Alors, ça, c'est une course sur les banques pour retirer son argent rapidement, alors que les gens vont réaliser que le système est en train de s'écrouler. Alors, là, vous avez les gouvernements qui prennent des dispositions particulières pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. On appelle ça le contrôle du capital, et puis vous risquez d'assister à plusieurs signes de contrôle du capital qui vont s'opérer par les financiers internationaux via les gouvernements. Alors, des exemples de ça pourrait être de limiter les retraits à la banque ou au guichet automatique de plus d'environ 1 000 $ américains. Alors, convertissez ça en euros, ben non, en votre monnaie locale. On risque aussi de limiter des transactions d'argent de plus de 10 000 $ pour un certain nombre de transactions. On parle aussi de limiter les investissements dans les métaux précieux comme l'or et l'argent. Alors, on pourrait même complètement restreindre aussi même l'achat et la vente de ces trucs-là. Même, on pourrait envisager une saisie des différents gouvernements des métaux précieux. On pourrait aussi obliger les transactions financières à être seulement en argent électronique. Alors ça s'est déjà partiellement implémenté en Grèce. Alors vous savez que ça, c'est des choses qui sont tranquillement amenées de l'avant. Et on parle peut-être aussi de mettre en place différentes offenses criminelles au niveau de la loi et puis même d'installer certaines contraventions, alors des amendes financières si vous ne vous pliez pas à ces mesures qui risquent d'être implémentées dans les prochains temps à venir. Alors, gardez ça à l'œil. Alors, ça, c'est tout un dossier. Vous savez, le 9-1, on va en parler aussi. Les architectes et ingénieurs ont fait des conférences de presse à New York et ont même aussi financé des annonces qui ont passé à la télévision, qui vont continuer de passer à la télévision. On est rendu pas loin de 1 300 architectes et ingénieurs dont je fais partie, qui vous affirment sans aucun doute que ces bâtiments-là ont été détruits à l'aide de démolitions contrôlées. On a même retrouvé des restes, okay, des résidus d'explosifs, de termites ou de termites qui n'ont pas été combustés cette journée-là, qui n'ont pas explosé, et puis ça a été revisé par les pairs. Alors, on a des preuves indubitables comme quoi que ces bâtiments-là ont été menés, ont été jetés à terre par des explosifs, le termite qui est utilisé de façon courante pour des jobs de démolition contrôlée et qui est aussi un explosif qu'on ne peut avoir que des mains des militaires, OK? C'est pas de quoi que n'importe qui peut acheter du jour au lendemain comme ça. C'est de grade de militaire ce qu'on a retrouvé. C'est de la nanotechnologie, OK? C'est absolument de très haut niveau, de très haute qualité. C'est de quoi qui est de grade militaire, OK? Ça, c'est, il n'y a aucun doute là-dessus, là. Vous devez comprendre ça très clairement. Et pour qu'on ait retrouvé du métal fondu, de l'acier structurel fondu. Ça, c'est de quoi que toutes les autorités et puis les rapports supposés officiels vont éviter de discuter et vont même nier l'existence, alors que vous avez plusieurs évidences. Vous avez des pompiers qui ont travaillé là, les travailleurs qui ont procédé au nettoyage du site. On a des images vidéo, des photos, on a tout ce qu'il faut. On a même des morceaux de, on appelle le météore, qu'on a dans un hangar à New York, que vous avez encore des pièces de beam, okay, des grosses colonnes et des supports d'acier de plusieurs centimètres de large et d'épaisseur qui ne peuvent être fondus qu'à très haute température et tordus sans qu'ils aient craqué. Alors, il faut des quantités énormes de chaleur pendant des heures pour en arriver à faire fondre de l'acier. On est même arrivé à pulvériser, je dis bien pulvériser, et faire fondre du béton. OK, alors imaginez la chaleur intense qu'il a fallu. Jamais, jamais au grand, jamais du pétrole servant à propulser des avions ne peut arriver à brûler de telles températures. Jamais. OK, il faut au moins plus du double de la température pour que on peut arriver à faire fondre de l'acier structurel. OK, donc ça, là, c'est des données physiques, c'est de la physique et de la chimie. Alors, si vous croyez la version officielle du 9-1, c'est que vous croyez que cette journée-là particulière, les lois de la physique et les lois de la chimie ont cessé de fonctionner pendant quelques heures. OK, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, quand on parle de des personnes qui délirent totalement, c'est ça le délire. C'est de croire que cette journée-là, les lois de la physique et les lois de la chimie, du comportement des particules et tout, ont cessé de fonctionner de façon normale pendant quelques heures pour retrouver leur fonctionnement normal quelques heures plus tard. Alors, imaginez, imaginez. Alors, quelques nouvelles, vous allez trouver dans la section 9-1-1 cette semaine. C'est le Mossad qui est inclus, qui est impliqué dans les attaques du 9-1-1. Vous avez deux vidéos en deux parties. Donc, c'est deux parties fantastiques à aller voir. Vous avez plusieurs vidéos, en fait. Celui-ci, c'est de Richard Gage, qui est le fondateur du mouvement architecte et ingénieur pour la vérité sur le 9-1-1. On parle ici des empreintes chimiques de termites qui pointent vers la démolition contrôlée pour le 9-1-1. Ensuite, ici, vous avez un article assez intéressant où on apprend que la campagne de peur continue alors qu'Obama a continué d'extensionner l'état national d'urgence pour une 10e année. Alors, vous savez qu'on a déclaré l'état d'urgence national lors du 9-1-1. Bush avait déclaré l'état d'urgence national et d'année en année, on continue. Sans vraiment trop en parler dans les médias, on continue d'extensionner cet état national d'urgence aux États-Unis. Qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est que ça donne plusieurs pouvoirs je dirais, totalitaires au président. Et je vous invite à aller lire l'article pour savoir là, vraiment tous les effets que ça permet d'avoir au niveau du contrôle du président sur l'économie, sur le déroulement de l'espionnage des Américains. Vous avez l'écoute électronique, vous avez aussi la torture, vous avez ces fameuses guerres qui sont déclarées. Alors, ça permet toutes sortes de mesures totalitaires et d'états policiers. Donc, petite parenthèse du 9-1 terminée. Donc, c'est à peu près ça. On va y aller avec une petite pause musicale. On va se retrouver après ça avec le reste de l'actualité. Et puis, on va essayer aussi de parler du Moyen-Orient. Donc, on va y aller avec une petite chanson en français. Alors, j'essaie de vous faire un petit peu de contenu francophone depuis quelques semaines. Alors, voilà une petite chanson de nos cousins en France. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire, un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial. Cette crise dont il est clair désormais qu'elle ne peut se résoudre sans une intervention massive des États, cette crise qui appelle d'urgence un nouvel ordre économique, financier, monétaire, s'exprime, cette crise exprime au fond un besoin profond de politique. Le nouvel ordre, le dans ce monde, la concurrence ne sera pas plus douce. Ce sera plus dur, ce sera plus dur, ce sera plus dur. La Banque mondiale assassine, se rassasie. Trop de joue la Stasi pour que les peuples restent bien assis. Car ils nous prennent en vrai argent de dette, garde en tête. Que l'État depuis Maastricht n'en est plus le maître. On gère plus les missions, aux banques privées a remis son pouvoir. Le réel est bien pire qu'un science-fiction. En effet, les factions contrôlent notre économie. Achètent le droit des fractions, installent leur hégémonie. Tout le monde voit que quelque chose tourne pas rond. Mais l'écho des médias est celui des produits de consommation. Business is business, oblige, on court à toute vitesse. Why are you in the promesses que tu piques. On est des bons temps de chair poussés à vouloir s'enrichir. Prouvons-toi ce qui t'est cher et les laisse pas les détruire. Laisse un peu parler l'enfant, toi il ne saura que mieux te remettre à temps en état. Réveille-toi, peuple du monde, réveille-toi. Ne vois-tu pas que les temps ont le ressentent pas? Y'a pas que les glaces qui font, y'a tout l'eau à para. Cherche la vérité profonde, elle t'apparaîtra. Conspiration mondiale, ce n'est pas qu'une théorie. Si tu cherches, tout est à et cela les terrorise. Messieurs les banksters, austères et autres politiques aux gangsters qui n'ont plus qu'à se taire. Rien de dur dans leur casse-tête. On comprend vite pour autant qu'on l'accepte. J'finirai peut-être bien borderline. Mais je veux pas de leur New World Order High. L'État assassine, marchand de l'horreur. Irak et Palestine, billets pour notre bonheur. Des milliards vendus par des milliardaires qui répartissent pétards de puissance nucléaire. Des milliards aussi rachetés de Francis sous pour un peu d'or noir. On peut massacrer sans souci. Et si tu te demandes pourquoi ce monde est si fou, c'est que les grands médias appartiennent à ces mecs aussi. Te fais pas d'illusions, la Suisse n'est pas en reste. Sous couvert de conventions, siège un gouvernement terroriste. La monnaie a bouffé les armes comme une peste. Et ceux qui la monnaie ont tout fait pour qu'on blâme les ripostes. Des bulletins de vote pour choisir nos corrompus. Étaler de la crotte et s'étonner que l'on pue. À travers les hémisphères, le secret bancaire ne sert que les dealers, miliciens, multimilliardaires. Crise économique et future récession. Pas d'avis du public vu que ces connards ont la solution. Et comme des hystériques injectent des milliards de millions. Y'a juste un X et du sabotage à l'inflation. Et quand on touchera le fond, puisqu'ils ont fait ce qu'il faut, offriront leur puce à la con pour resserrer les troupeaux. Et tel le prisonnier numéroté au chiffre 6, on se verra épiller dans nos moindres faits et gestes. Trois séries de 6 chiffres, donc un triple 6 comme code pour chaque homme. Ce que j'aimerais que ce soit du cynisme. Quoi qu'il en soit, messieurs, vous êtes sinistres. Aussi si nos vies sont dans vos mains, ça ne peut être le cas demain. Réveille-toi, peuple du monde, réveille-toi. Oublie un peu les secondes, car elles n'existent pas. Et même si la terre est ronde, ils nous l'ont mise à plat. Pour qu'on voit la bête du monde pour stopper nos tracas. Conspiration mondiale, ce n'est pas qu'une théorie. Si tu cherches, tout est à et cela les terrorise. Messieurs les banksters, austères et autres politiques aux gangsters qui n'ont plus qu'à se taire. Rien de dur dans leur casse-tête. On comprend vite pour autant qu'on l'accepte. Je finirai peut-être bien borderline. Mais je veux pas de leur New World Order High. La banque mondiale assassine sera rassasie. Mais les peuples agacés arrêteront ces foutus nazis. Gardez ça en tête, vous les traîtres. Peu à peu tombent les masques que l'on vous prête. Votre rémission tient à votre démission. Mais nous savons, messieurs, qu'il n'en est pas question. Aussi vos factions, vos cérémonies, vos exactions prendront fin. Et peut-être aujourd'hui, rien de dur dans leur casse-tête. On comprend vite pour autant qu'on l'accepte. Je finirai peut-être bien borderline. Je peux pas te lancer du World Order High. Et voilà, vous êtes de retour à l'autre monde. François Marchand au micro sur les ondes de Choc FM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, voilà, écoutez, chers auditeurs, il y a des personnes qui ont certains troubles mentaux et puis elles auraient besoin d'être suivies. Je veux dire, rien de méchant dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, on a tous des problèmes. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Et puis, vous savez, ces personnes-là, on retrouve un peu partout dans notre structure du système. Nous avons une nouvelle qui a été publiée cette semaine, assez troublante, vous savez. C'est une nouvelle qui a été publiée par The Vancouver Sun, ici au Canada, qui relate que des personnes ayant certains petits troubles mentaux se retrouvent même au centre de la GRC. Alors, la GRC qui se trouve à être la police montée ici, la police fédérale, vous savez. Et ces gens-là, ces officiels, ces autorités ont identifié une nouvelle menace à la sécurité nationale ici au Canada. Apparemment qu'il devient de plus en plus inquiétant pour eux, différentes sources de menaces, comme je vous dis. Et puis, une de celles-ci serait que ces gens à la GRC commencent à avoir peur d'un coup d'État. Un coup d'État au Canada. Eh oui, ben oui. On est tellement violent ici au Canada, je veux dire, c'est tellement hallucinant. On envoie même nos enfants se battre dans des guerres illégales au Moyen-Orient, puis il n'y a personne qui bronche. On nous prend 200 milliards de dollars pour donner à des banquiers qui n'étaient même pas en difficulté, des banquiers privés. Ici au Québec, on se laisse voler 40 milliards, et puis tous les gens continuent d'aller voguer à ses propres occupations sans broncher. Alors, on est plutôt un peuple amorphe. Et puis, ben voilà, quoi. Apparemment, qu'il y aurait des menaces d'un coup d'État ici au Canada. Alors, c'est vraiment loufoque. Je veux dire, on lit des nouvelles comme ça qui sont absolument délirantes. C'est capoté, Barren. C'est la stratégie de la tension qui est à l'œuvre encore. On essaie de tenir la population dans un état de peur. Hein? Donc, on parle ici carrément de techniques de terroristes qui sont à l'utilisation. Vraiment à la vue de tout le public, hein, c'est, vous voyez le gouvernement et puis la police fédérale, et vous avez les services secrets. Alors, on est tout en train de monter des fausses menaces comme ça pour épeurer la population et justifier ben, qu'on continue à implémenter cet état totalitaire, cet état policier. Vous allez voir dans la suite des nouvelles de l'actualité des exemples très, très flagrants de cette mise en place d'un État policier, un État totalitaire, même ici au Canada. Alors, en réalité, s'il y a vraiment une menace d'un coup d'État, eh bien, ce n'est pas à partir des couches basses de la société ou de dangereux musulmans ou de terroristes. Hein? Donc, non, en réalité, la menace, elle vient de où? Ben, elle vient de ce cartel mafieux corporatif capitaliste privé qui contrôle nos gouvernements, puis aussi de l'intérieur même des boyaux des services secrets et puis des agents dans le gouvernement. Alors, c'est de là que vient la menace. Si, un coup d'État, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'il y en a eu un coup d'État et puis depuis ce temps-là, on s'est fait usurper notre gouvernement, notre démocratie. Je veux dire, on ne peut même plus dire qu'on est représenté par ces supposés gens qu'on a élus. Finalement, c'est une pièce de théâtre totale où on engage des acteurs et on dit que on a différents partis politiques et puis après ça, on vous fait croire que vous avez un droit dans votre démocratie d'aller voter, que c'est fantastique, fermez votre gueule après ça pour les 4 prochaines années et vous votez pour qui? Ben, vous votez par des gens qui sont déjà achetés et payés par le secteur privé. C'est aussi bête que ça. Alors, coup d'État ici au Canada, c'est ce qu'on craint là, de la police fédérale, complètement débile. Alors, fallait voir ça. En plus, la nouvelle est disparue du site du Vancouver Sun pour réapparaître quelques instants par après. C'est assez spécial, c'est vraiment là. Donc, ça, c'est une référence d'ailleurs qui n'est pas normalement faite, n'est pas dans le langage qui apparaît dans les rapports précédents de la GRC. Alors, voilà, allez voir ça, ces conneries-là, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, quand je vous dis qu'on est en train ici de glisser tranquillement dans un état totalitaire, je pèse mes mots, c'est réellement ce qui est en train de se passer. On apprend ici dans une autre nouvelle publiée par le Vancouver Sun qu'on est en train de resserrer la muselière sur les scientifiques. Ben oui, vous avez bien entendu. Vous avez bel et bien entendu les nouvelles ici qui viennent du Canada. Alors, notre gouvernement, notre mini-mi Harper, notre mini-dictateur ici, le gouvernement de Harper est en train de resserrer le museau sur les scientifiques fédéraux qui travaillent pour le gouvernement fédéral. Alors, on va aller jusqu'à même contrôler ce qu'ils vont dire devant les médias. OK? Et puis là, c'est pas nécessairement à propos de des nouvelles là, qui sont vraiment très sensibles et puis qui pourraient être de sécurité nationale. Ben non. On a même censuré une conférence de presse de scientifiques qui a fait une recherche sur les inondations qui se sont passées à la fin du dernier de la dernière ère glaciaire. Imaginez comme ça, c'était réellement là, un sujet tellement crucial et important et sensible pour le gouvernement du Canada que là, il fallait demander aux scientifiques là, de demander l'approbation en premier du gouvernement. Donc, vous voyez, là, on contrôle non seulement la politique, on contrôle même aussi ce que les scientifiques vont dire. Alors, on paye ces gens-là, nous, avec nos taxes pour qu'ils fassent des recherches, pour qu'on devienne de plus en plus intelligent, qu'on découvre des choses. Et puis là, les scientifiques vont devoir demander la permission au gouvernement fédéral pour parler publiquement. Et voilà. Donc, ce n'est-ce pas absolument fantastique? Alors, si vous appelez pas ça un État totalitaire, eh bien, je vous demande bien ce à quoi on a affaire. OK? Allez voir ça, c'est assez spécial. Alors, imaginez si on va empêcher des gens de parler des inondations qu'il y a eu lors de la dernière ère glaciaire. comment qu'on va traiter l'information qui va venir des scientifiques fédéraux quand on va parler du cadmium ou du mercure dans la rivière Athabasca. Vous allez voir une nouvelle cette semaine. En fait, elle est sortie à peu près il y a 3 semaines, sauf que j'ai jamais le temps de la couvrir. Mais écoutez, là, on est tous surpris, hein? Et puis là, on a sorti un article comme ça dans les médias ici au Canada disant que les sables bitumineux en Alberta polluent énormément les rivières. On est tous surpris. Hein? Regardons ça, ça pollue, c'est en train de scraper l'environnement. Ah ben, regardons ça. On veut nous imposer des taxes, le CO2, mais après ça, on laisse des compagnies complètement, écoutez, saccager, détruire une province au complet, probablement tous les environs. On relâche des métaux lourds, du mercure, du cadmium, nommez-les, je veux dire, dans les rivières, dans les nappes phréatiques, c'est un désastre total. OK, donc pensez-vous que après ça, les scientifiques vont être capables de parler publiquement à propos de ce qu'on retrouve dans ces environs-là? Ben non, voyons donc. Hey, ça donnerait un mauvais visage aux politiciens à Ottawa. Hein? Donc, on va museler ces gens-là. Et voilà. Alors, n'est-ce pas absolument incroyable? C'est vraiment incroyable. Alors, qui va contrôler les médias comme ça? Ben, vous avez Santé Canada puis Environnement Canada. Wow! C'est fantastique. Santé Canada qui nous a vendu une fausse pandémie. Ça nous a coûté plusieurs centaines de millions de dollars pour de quoi qui était 10 fois moins grave que la grippe saisonnière, imaginez. Alors, ces connards-là qui nous vendent des mensonges, qui nous volent notre argent, qui travaillent en cheville avec Big Pharma. Après ça, on leur donne le contrôle sur des médias, un contrôle encore plus serré. Wow! On s'en va vraiment là, exactement dans la bonne direction. Mais écoutez, ça, c'est pas grave. Ne vous en faites pas avec ça. Il faut dire merci à ces gens-là. D'ailleurs, en disant merci ici au Canada, on se gêne pas. On vient de donner une médaille, hein? C'est incroyable, une superbe médaille, puis environ une enveloppe d'environ 100 000 $ canadiens ici acquis à nul autre que le criminel de guerre Tony Blair. Tap, tarapap, pop, pop, pop. C'est ça qu'ici on fait au Canada. En plus, non seulement on se contente pas d'instaurer un État totalitaire, un État policier où on contrôle même ce que les scientifiques disent dans les médias, mais non seulement ça, mais en plus on honore. On donne des honneurs, on honorifie les criminels de guerre, les psychopathes comme Tony Blair, et puis on leur donne de l'argent. C'est complètement fantastique. On lui a donné la médaille de la liberté. Wouh! N'est-ce pas fantastique? Alors, ce petit monsieur rejoint un club sélect de personnes qui l'ont reçu, cette médaille-là, qui est donnée à chaque année depuis 1989, et puis certaines personnes qui l'ont reçue se nomment Nelson Mandela, Kofi Annan, Mikhail Gorbatchev, et puis l'ancien président américain Jimmy Carter. C'est tellement beau de voir ça, chers auditeurs. Donc, il faut dire merci à ces gens-là, c'est pas grave. En fait, je suis un peu cynique, mais dans le fond, je pensais à ça un peu cette semaine. Mais il faut être reconnaissant envers Bush, il faut être reconnaissant envers Tony Blair, il faut être reconnaissant envers les compagnies pharmaceutiques et puis le secteur privé qui contrôle notre gouvernement d'une façon tellement... tellement évidente que, je veux dire, on ne peut même plus s'en cacher. Il faut dire merci à tous ces contrôleurs globalistes qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial, une gouvernance mondiale à travers les systèmes financiers, les systèmes environnementaux, à travers l'ONU, à travers le système de la santé, à travers tout. Il faut leur dire merci d'avoir fait la 9-1. C'est désolé pour les victimes. C'est sûr que c'est dommage si vous avez perdu des gens là-dedans, mais il faut leur dire merci. Malgré tout, la mort des personnes du membre de votre famille ne sont pas mortes pour rien. Je vais vous dire pourquoi. Merci à ces connards-là de Maurice Strong, Al Gore, toute la gang, pour nous mentir délibérément à propos des cycles climatiques normaux, de créer une fraude tellement immense que c'est probablement une des plus grandes fraudes de l'histoire humaine. Disant que le CO2 fait réchauffer le climat, change le climat, je veux dire, complètement débile. Merci à ces gens-là pour tous ces grands mensonges. Pourquoi? Ben parce que pour avoir fait ce que je fais pendant des années, je peux vous dire que pour faire avancer la conscience du public, il aurait fallu des décennies d'éducation populaire pour faire comprendre aux gens ce qu'ils comprennent maintenant en l'espace. Maintenant, ça se passe en dedans de quelques mois, quelques semaines même. les mensonges sont tellement gros et défaits sur la place publique à un point tellement évident qu'on réveille les consciences collectives comme si on était en train de les réanimer avec des chocs électriques. C'est en train d'accélérer le processus de prise de conscience et de la lucidité des gens. Un rythme sans précédent. Le truc du H1N1, ça nous a coûté cher. C'est vrai, ça a coûté cher. Sauf que qu'est-ce que ça a fait? C'est que on est passé d'environ 1% de la population qui avait des doutes par rapport à la vaccination et qui avait peut-être, je dirais même 0,5%, 0,5% de la population qui a fait des recherches sur de la vaccination et puis qui ont réussi à prendre leur responsabilité, réellement de s'informer avant de se faire introduire des aiguilles sous la peau et puis de faire vacciner ses enfants. Je ne dis pas de ne pas le faire ou de le faire. Ce que je dis, c'est de s'informer avant de le faire, tout simplement, de savoir qu'est-ce qu'on vous injecte. On a beau dire, ça c'est bon. Écoutez, les premières décennies que la cigarette a été réellement publicisée, on disait que c'était bon. Vous aviez même des médecins qui étaient apparus à la télévision dans des annonces commerciales pour vous dire que c'était bon pour la santé, la cigarette. Là, il n'y avait aucun problème avec ça. Donc, on a fait la même affaire que le DDT. On fait la même affaire avec à peu près tout. Donc, on vous dit en premier, ah, oh, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et puis après ça, on s'aperçoit que c'est bon. Ben oui, c'est en train de détruire votre santé. Donc, c'est la même affaire avec la vaccination. Et puis, le truc du H1N1 a fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec des 20-25%, au moins le quart, le tiers, peut-être même la moitié de la population dans certains endroits qui est devenue complètement éveillée à ce truc-là. Et puis, ils se sont informés. Et puis, ils se rendent compte qu'il y a une fraude incroyable là-dedans. La vaccination est entourée d'un mythe autant que la fluoration de l'eau. Alors, ça aurait pris des décennies avant de faire comprendre ça aux gens, mais à cause de leur maudite fraude et honte, ben, écoutez, l'effet pervers pour eux autres, c'est que la population se réveille et puis là, ben, vous avez tellement de gens qui se sont réveillés par rapport à ça qu'ils sont maintenant immunisés et n'embarqueront plus jamais dans ces chemins-là. Alors, il y a quand même de quoi de positif à retirer de tout ça, chers auditeurs. OK, donc on continue. Donc, notre connard psychopathe criminel de guerre qui reçoit la médaille de la liberté des mains de Bill Clinton, qui est un autre criminel de guerre. Alors, vous voyez, ces gens-là continuent de se congratuler. C'est vraiment fantastique. On se félicite l'un l'autre, on se flatte dans le dos. C'est comme Obama qui a reçu le prix Nobel de la paix. Donc, tout ce qui est plus logique. Vous devez comprendre que des gens quand même comme Tony Blair, même si on peut le remercier pour réveiller les consciences globales, tout comme Bush et Cheney ont entraîné la mort de millions de personnes au Moyen-Orient. Okay? Donc, c'est quand même des criminels de guerre qui, ultimement, vont devoir être jugés pour leurs crimes, pour leurs mensonges, et puis qu'on en donne l'exemple à toute la planète, et bien qu'on les envoie se faire torturer à Guantanamo, puisque ces gens-là aiment ce genre de techniques, vous comprenez? Alors, non seulement vous avez des victimes au Moyen-Orient qui ont payé le prix de ces mensonges et de ces psychopathes-là, mais vous avez aussi des gens ici ou en Occident qui ont payé le lourd prix. Et une de ces personnes, c'est le docteur David Kelly. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce gars-là. Il était la tête des inspecteurs de l'ONU qui travaillait en Irak avant qu'on déclare la guerre là-bas. Et avant que vous aviez Colin Powell qui était allé au Conseil de sécurité de l'ONU pour vendre les mensonges comme quoi que Saddam Hussein essaierait de et puis aurait même des armes de destruction massive et aurait même un programme nucléaire. Alors, vous savez, c'est les mêmes mensonges qu'on utilise maintenant pour vendre la guerre contre l'Iran. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, vous avez un article à trouver cette semaine sur « Sans papiers, les 7 du Québec ». Un article important pour vous, allez voir, qui s'appelle « Priorité, guerre contre l'Iran ou Israël ». Alors, on va essayer d'y revenir un peu plus tard dans l'émission, sinon la semaine prochaine. Mais vous devez comprendre là, ce qui se passe dans cette région-là. Vous devez comprendre qu'on essaie de vendre une guerre de la même façon qu'on a vendu une guerre en Irak, c'est-à-dire avec des mensonges, des mensonges qu'on savait être des mensonges. OK? Alors, quand que Bush et Blair disaient que Saddam Hussein aurait une bombe nucléaire et puis que c'était une menace pour les pays de l'Occident et puis qu'il fallait envahir l'Irak immédiatement, sans délai, eh bien, vous avez des gens très connaissants sur le terrain, comme le docteur David Kelly, qui était le chef des inspecteurs. Donc, et le gars, il savait de quoi il parlait, là. C'est pas un sans-dessin, là. Quand on a entendu cette affirmation mensongère, comme quoi que Saddam Hussein posséderait un programme nucléaire et possiblement des bombes nucléaires. David Kelly a fait savoir, je crois que c'était la BBC, je me rappelle bien, que ce n'était pas le cas, que c'était justement une fausseté totale. Et pas longtemps après, ça a fait un méchant scandale à la BBC. Là, je mets ça entre guillemets, je suis pas mal certain que c'est bien la BBC. Et on a retrouvé le docteur David Kelly mort. Alors, on a fait toute une histoire avec ça. On a fait un gros whitewash, un gros lavage public. On a fait une supposée enquête qui n'a jamais vraiment été une enquête, mais plutôt un événement pour couvrir les faits réels. Le docteur David Kelly qui ne s'est jamais suicidé, comme on l'a affirmé. Apparemment, que ça serait ouvert les poignets avec des lames de rasoir pour avaler une quantité de pilules pour se tuer. Puis finalement, écoutez, on a retrouvé des évidences comme quoi que le corps a été déplacé de l'endroit là, au final où on l'a retrouvé. Il y avait le gars, apparemment, s'est ouvert les poignets. On n'a même pas retrouvé de mort de sang autour de lui. Je veux dire, il n'y a rien qui fit avec ça. Les pilules qu'on a retrouvées dans son estomac n'avaient pas été digérées, donc probablement été forcées à l'intérieur après que la personne soit morte ou juste avant d'être tuée. Je veux dire, mais réellement, là, c'est probablement après qu'il a été tué. Donc, vous avez plusieurs nouvelles qui sortent quasiment semaine après semaine, comme quoi qu'on est en train de rouvrir ce cas-là en Angleterre. Et on va probablement remettre en question toute cette histoire-là, et puis ça va révéler encore plus les mensonges de ce qui se passe. Ok, donc voilà. Les nouvelles ensuite ici, ça c'est assez spécial. C'est une étude par Penda Labs, qui est un développeur antivirus sur Internet, qui a déclaré cette semaine que les cybercriminels créent 57 000 sites Internet qui sont faux à chaque semaine, OK? Donc, ces gens-là, pour lancer leur attaque, créent continuellement des faux sites Internet. Et écoutez, là, c'est 57 000 faux sites Internet par semaine. Donc, on calcule là, que ça fait environ 3 millions de sites qui sont ouverts à chaque année, des faux sites Internet. Pour lancer des attaques. Alors, c'est assez incroyable. La bonne nouvelle de la semaine, maintenant, c'est les blogueurs encore qui reçoivent maintenant une autre preuve comme quoi qu'ils deviennent les médias qui sont en train de prendre la plus grande place sur le marché de la nouvelle, bien que les journaux et les médias télévisés aient encore plus de volume. Il faut quand même voir et croire que les bloggers sont de plus en plus importants. Et puis, cette semaine, vous avez Associated Press, AP, qui vient de lancer un communiqué officiel comme quoi qu'ils demandent à leur branche maintenant d'annoncer et de reconnaître toutes leurs sources de nouvelles, incluant ceux des bloggers. Alors, les internautes qui vont maintenant recevoir des crédits de provenant de AP. Alors, vous savez, c'est quand même de quoi d'assez important comme nouvelle. Alors, vous avez des organisations de nouvelles qui sont extrêmement larges, qui maintenant ont souligné le point qu'ils reconnaissent maintenant les bloggers comme étant une source de nouvelles viable. Alors, bravo! Alors, c'est le chemin du futur, et puis c'est pourquoi vous êtes ici sur l'autre monde. Et dans un autre souffle, vous voyez, c'est un peu révélateur aussi de la qualité des grands médias. Vous avez un autre communiqué ici de AP qui raconte, c'est un communiqué de presse finalement, dans lequel vous pouvez voir le type de nouvelles que ces gens-là sont à la recherche. OK? Alors, vous allez voir les critères ici, ça vaut la peine d'aller voir le document, chers auditeurs, là, c'est vraiment spécial. Ça vient du site Save the News, qui a fait connaître cette nouvelle-là. Et puis, on apprend c'est quoi que AP cherche pour faire la nouvelle? Eh bien, on cherche des crashs de train, des crashs d'avion, des noyades fatales, des accidents d'auto fatales. Alors, s'il n'y a pas de victimes, de personnes qui meurent, alors c'est moins intéressant. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des soulèvements sociaux, des démonstrations, des grèves, des feux majeurs qui incluent des pertes de vie, qui entraînent aussi une destruction importante de structures ou qui touchent plusieurs États, des explosions ou ben non, des déversements de produits chimiques ou de pétrole, des vols de banque. Il faut que ça soit violent, il faut qu'il y ait des prises d'otages ou que ça soit des un voleur en série, OK? Alors, ça, on recherche ça. On recherche aussi des nouvelles dans le domaine de la météo, comme des tempêtes de neige ou de glace. On aime beaucoup aussi les pluies qui entraînent beaucoup de dommages et des inondations, des records de chaleur et de froid, les tornades, on recherche ça. On recherche aussi des histoires qu'on appelle le human interest en anglais. Alors, des histoires, vous savez, d'intérêt humain. Alors, des histoires à toucher le cœur et puis des affaires un peu spéciales. Alors, les affaires des célébrités aussi. Alors, voilà. Donc, c'est ça qu'on recherche dans les médias. C'est ça qui paye. Alors, après ça, on se demande pourquoi que les grands médias sont en chute libre et que les blogueurs, justement, sont en ascension exponentielle. Ben voilà pourquoi. Parce que nous autres, on vous rapporte ce qui est important. On ne parle pas des maudites niaiseries. Hein? C'est un fait qu'il y a moins de violence dans le monde. C'est un fait qu'il y a moins de guerre dans le monde que de toutes les centaines de dernières années, OK? Alors, ça aussi, là, c'est un fait qu'on a l'impression que le monde est en train de s'écrouler devant nos yeux, que c'est la catastrophe, tout est en train de shaker, puis des guerres partout, puis c'est terrible. Puis, non, c'est pas ça. C'est notre perception de ça qui a changé. Pourquoi? Parce que les médias, ils se penchent que sur ça, ils focusent sur ça. Je veux dire, c'est quasiment une obsession de vous faire penser que le monde est chaotique et de vous faire sentir complètement sans espoir et complètement démuni face à ça. Et c'est une volonté réelle de vous maintenir dans un état de peur et de déstabilisation, OK? Vous devez comprendre ça, chers auditeurs. Le monde est une bien meilleure place qu'il ne l'a été depuis longtemps. Sauf que la perception de ce monde-là a beaucoup changé et, comme je vous disais, la perception est influencée par ceux qui, évidemment, contrôlent ces grands médias-là. Okay? Alors, pourquoi ces gens-là ont intérêt à vous faire croire que tout est chaotique et que vous avez besoin d'un sauveur, que vous avez besoin d'une race d'humains supérieurs? Alors, je ne pointe pas une race en particulier, là, je parle de certains êtres humains sur cette planète-ci. Peu importe leur couleur de peau, leur allégeance nationale ou religieuse, okay, vous en avez dans tous les peuples, dans toutes les cultures, vous en avez dans toutes les religions de ces gens-là. Ils ne connaissent pas de frontières, ils ne connaissent pas de couleur de peau, ils ne connaissent pas de couleur de quoi que ce soit. Ces gens-là, c'est des psychopathes, c'est des malades mentales. Et puis, ils ont tous intérêt à vous faire croire que vous n'y pouvez rien, que vous êtes impuissant. Hein, problème, réaction, solution, et puis qu'eux, c'est les sauveurs, qu'eux peuvent vous administrer, qu'eux sont, une race supérieure, ils ont une ADN supérieure, ils sont des êtres humains supérieurs, appelez-le comme vous voulez, je veux dire, ils se croient supérieurs. Et pourtant, c'est qu'est-ce qu'ils nous vendent? Ils nous vendent la guerre, ils nous vendent la destruction, ils nous vendent la misère, le désespoir humain, la déshumanisation. C'est ça qu'ils nous vendent. Alors voilà. Vous avez le SCRC qui ne dit pas non à la torture. C'est quoi le SCRC? Ben, c'est nos services secrets canadiens ici. C'est fantastiques gens qui sont là pour protéger la démocratie, protéger nos libertés. Une chance qu'on les a, ces gens-là. C'est tellement fantastique, je veux dire. Et puis là, c'est quoi ces gens-là à haute valeur morale? Hein? Je vous parle de rapaces, je vous parle de races d'humains finies. Voilà des gens qui travaillent à la SCRC. Pas tous ces gens-là encore là. Vous avez des personnes de bon cœur là-dedans. Je fais appel à ces gens-là pour se réveiller, pour savoir, vous rendre compte pour qui vous travaillez, pourquoi vous travaillez. Parce que tout est compartimentalisé. Hein? Vous ne savez pas ce qui se passe à la tête. Vous pensez travailler pour le bien commun. Vous ne travaillez pas pour le bien commun, vous travaillez pour l'organisation terroriste. OK? C'est eux les vrais terroristes. C'est eux qui menacent le Canada d'un coup d'État. Avec le secteur privé. OK? Disons les choses telles qu'elles sont, chers auditeurs. Ces gens-là ne disent pas non à la torture. Pensez-vous qu'ils représentent vos valeurs? Pensez-vous que ces gens-là défendent vos valeurs? Vous avez une autre nouvelle? Tu sais, il y a trois nouvelles, là, OK? Il y en a une qui a été publiée dans le Cyberpresse, une, Le Devoir, ici à Montréal, et une autre par la presse canadienne. Voulez-vous de quoi de plus officiel que ça? Le SCRC utiliserait des renseignements obtenus grâce à la torture. Le titre de Le Devoir. Le SCRC ne dit pas non à la torture. Cyberpresse. Torture. Le SCRC fermerait les yeux. La presse canadienne. The Canadian Press. Hey, ces gens-là représentent vos valeurs. L'Agence canadienne d'espionnage affirme qu'elle exploiterait des renseignements obtenus grâce à la torture si cela lui permettrait de prévenir une éventuelle attaque terroriste. Ben oui, une prise de position qui, selon eux, qui s'y oppose, ne fera qu'encourager les interrogatoires musclés. Ben oui, les interrogatoires musclés. La déclaration du Service canadien du renseignement de sécurité, donc le SCRS, contenue dans les notes d'information obtenues par la presse canadienne, font écho à des propos tenus par un responsable de l'agence qui avait provoqué une controverse et une rapide rétractation l'an dernier. Le SCRC entend partager les informations obtenues d'un partenaire international avec la police et d'autres autorités, même dans les circonstances rares et extrêmes où nous avons des doutes quant à la façon dont l'agence étrangère les a obtenues, est-il écrit dans les notes rédigées à l'intention du directeur de l'agence, Dick Fadden. Il a précisé dans ses notes que même si de telles informations ne pourraient être utilisées en cours, afin de poursuivre une personne représentant une menace imminente, le gouvernement doit se servir des informations pour tenter d'étouffer la menace avant qu'elle ne se matérialise. Hey! La position défendue par le SCRS est alarmante et va à l'encontre de la directive adressée par le gouvernement à l'agence d'espionnage afin qu'elle évite la méthode brutale indiquée Don Davies, porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière de sécurité publique. Selon M. Davies, le SCRS semble essayer d'ouvrir la porte afin de pouvoir se fier à des renseignements obtenus par la torture par un État ou une agence pour quelconque raison que ce soit. Les notes d'information rédigées pour M. Fadden avant une entrevue accordée par ce dernier à CBC ont été récemment obtenues par la presse canadienne en vertu des dispositions de la loi sur l'accès à l'information. Le réseau anglais de Radio-Canada n'a pas soulevé la question de la torture durant l'entretien. Hey! Vous avez bien entendu, chers auditeurs. Alors, ça, c'est le Canada. Voilà comment ça se passe ici, n'est-ce pas fantastique? Ensuite, vous avez un ex-agent de la CIA qui a confirmé qu'on utilisait la torture dans des sites noirs en Pologne. Alors, on appelle ça des « black sites ». OK, alors voilà, ça c'est un agent qui vient de confirmer pour la première fois que l'agence a torturé des prisonniers dans un site interdit, un site noir, un centre de détention dans le nord-est de la Pologne. Alors, durant les sommets de la guerre contre la terreur, alors selon la AP, un ancien agent de la CIA identifié comme Albert a torturé des suspects terroristes. Alors, on parle tout le temps de suspects. OK? En plus, ces gens-là ne sont même pas prouvés, ne sont même pas montrés comme étant réellement des criminels ou quoi que ce soit. C'est des suspects. Puis on les torture de multiples fois. Ce gars-là avec une drill électrique, imaginez, une drill électrique, une perceuse électrique, zap, on perce des trous dedans. Hey! C'est ce qu'on appelle les pays occidentaux, là. Hey, après ça, on se permet, nous autres, d'envoyer nos soldats au Moyen-Orient pour leur apporter la démocratie et la liberté. C'est vraiment fantastique. Puis après ça, on donne des médailles de la liberté à des criminels de guerre comme Tony Blair. On n'a pas un problème. Ben non, on n'a pas de problème. Tout va bien. Tout va bien. Alors, ça continue, les nouvelles comme ça. C'est complètement débile. Ici, vous avez une autre une bombe qui vient d'atterrir à Londres. C'est The International Institute for Strategic Studies, le IISS, qui est un des leaders, si vous voulez, c'est des groupes de pensée. Si vous voulez, là, ils fabriquent finalement les politiques étrangères des pays. Puis ça, c'est une des plus importantes au monde pour les affaires militaires. Ok, donc elle représente cette organisation-là, les échelons au sommet de l'échelle, là, réellement là, des experts de la défense. Ça regroupe des anciens officiers puis certains seniors militaires. Qui réunissent des gens autant des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Chine, de la Russie, de l'Inde, OK? Alors, là, vous avez un membre ici depuis 20 ans de cette organisation-là qui a rapporté un rapport qui a émis un rapport très important sur l'Afghanistan qui est en train de débranler Washington et puis ses alliés de l'OTAN. Et on apprend dans ce rapport-là que finalement la menace de l'Al-Qaïda et des talibans a été largement exagérée par les pouvoirs occidentaux et que les missions menées par les États-Unis en Afghanistan ont complètement explosé dans des proportions, complètement gigantesques et exagérées. Pourquoi? Ben parce qu'on est en train de finalement vous gonfler une menace qui n'existe pas. Puis c'est quoi cette menace-là? Al-Qaïda. OK, donc vous voyez là, la source, là, je dis, ben down, ça peut pas, vous pouvez pas trouver plus solide que ça comme source, chers auditeurs, OK? Je veux dire, C'est incroyable. Allez faire des recherches sur cette organisation-là, The International Institute for Strategic Studies. C'est pas un petit groupe de sans-dessin tout nu, là. OK? Alors, on dit quoi dans ce rapport-là? Badang, écoutez bien ça. Vous avez le chef de la CIA, Leon Panetta, qui a admis récemment qu'il n'y avait pas plus de 50 membres de l'Al-Qaïda en Afghanistan. 50 membres. 50. 5-0. 5 fois 10. 50. Alors, vous avez Barack Obama qui vient de tripler le nombre de soldats en Afghanistan et a porté le total à 120 000 pour combattre l'Al-Qaïda. On a 120 000 soldats américains pour chercher 50 gars. Est-ce que ça vous donne un peu un exemple de ce qui se passe dans le monde? Quand on vous parle de coup d'État ici au Canada, quand on vous parle de la menace, ben voyons donc, c'est ça, OK? Les niaiseries totales, le voile qui est en train de tomber sur notre époque, c'est de créer des fausses menaces, c'est de créer des trucs qui n'existent pas, des ennemis imaginaires pour justifier leur agenda. C'est exactement ce qui vient de se passer. Pendant ce temps-là, alors on vous niaise avec ces niaiseries-là, puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez un adolescent anglais qui vient d'être banni des États-Unis à vie pour avoir envoyé un courriel obscène à Obama. Incroyable. Alors, vous avez un jeune qui s'appelle Luke Angel, qui a 17 ans. Le gars, il prend un coup chez eux. Il envoie un courriel à Obama lui disant, il traite là, d'organe génital, là, grosso modo, finalement. Là, une affaire incroyable. Et puis là, vous avez le FBI qui intercepte son courriel parce que là, il critiquait le gouvernement américain à propos d'un programme à la télévision qui traitait du 9-1. Et beding badang, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lui interdit l'accès des États-Unis à vie. Eh oui, eh bien voilà. Et voilà un autre exemple complètement délirant de l'époque dans laquelle on vit. OK? Alors, je vais vous donner un exemple bien clair de ça. Vous avez Israël, il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Attaquer une flottille de la liberté, une flottille qui amenait de l'aide humanitaire à la bande de Gaza, des médicaments, tout le kit. On attaque cette flottille-là en eau internationale, oui monsieur, s'il vous plaît. Alors pour eux, la loi internationale, ça compte pas. Non seulement ça, on a abattu à bout portant, à l'aide de 5 balles, un Américain. OK? De descendance turque qui habite à New York. Un Américain. On a battu un Américain en eau internationale. Pow! Des balles dans la tête. Obama ne bronche pas. Il n'y a aucun problème. Allez-y, tuez nos Américains comme ça en eau internationale. C'est Israël qui a fait ça. Fait qu'eux autres, ils ont le droit. Pendant ce temps-là, vous avez un gars britannique, un jeune adolescent, envoie un courriel. Il envoie paître Obama, grosso modo, il interdit l'accès aux États-Unis pour la vie. Hein? Alors, voilà pour les deux poids, deux mesures de notre époque. Ensuite, vous avez les autorités fédérales aux États-Unis qui envoient 800 000 $. Écoutez, c'est la grosse crise économique aux États-Unis. Vous avez un Américain sur 7 qui est sous la ligne de la pauvreté, on en parlait en début d'émission. Pendant ce temps-là, les faits d'eux autres, ils coûtent l'argent, eux autres, c'est pas la leur. Hein? Fait que, ils ont envoyé, écoutez ça, 800 000 $ américains à un pays africain. Pourquoi? Pour éduquer les Africains à comment nettoyer leur appareil génital après avoir eu du sexe. Wow! Incroyable! Débile! Complètement malade mental. Vous avez des vétérans qui reviennent aux États-Unis, on les blâme de retirer leur fonds d'indemnisation parce qu'ils reviennent mutilés, manquent des jambes et tout, et puis on les accuse après ça d'affaiblir l'économie des États-Unis. Les États-Unis se réveillent d'abord, donnent 800 000 $ pour un pays africain pour éduquer les gens là-bas à savoir comment nettoyer leurs organes génitaux après avoir fait l'amour. C'est bonac. Ça, c'est, je veux dire, c'est aller voir la nouvelle, là. Je veux dire, on peut pas inventer des affaires de même, là. C'est complètement débile. OK. Ensuite, on parle d'État policier. Ben, vous avez les écoles américaines qui commencent à virer dans l'État policier, l'État de surveillance totale. On est en train de, justement, éduquer les enfants à être des bons esclaves. Donc, on installe des webcams dans les chambres de ces écoliers-là. On met des caméras qui peuvent s'ouvrir en tout temps par les principaux à l'école. Alors, donne des, vous avez des écoles comme ça qui ont des programmes. Alors, on passe des ordinateurs, hein, des laptops aux étudiants qui vont faire leurs travaux à la maison. Et puis, quand ils font les travaux, ben, on a un système de caméras qui peut être contrôlé à distance. Et puis, on a eu des cas comme ça. Vous avez les directeurs et puis les, ben, finalement, c'est pas mal la direction de l'école qui ont actionner la vidéo à distance et puis on a épié l'adolescent dans sa chambre à faire des actes peut-être un peu répréhensibles. Écoutez, c'est assez incroyable. On a utilisé ces images-là qui ont été après ça, été accusées d'être finalement de la pornographie infantile. Alors, on fait ça. On fait des fouilles aléatoires pour chercher la drogue. On a des cas dans des écoles où on a même faites des fouilles à nu. Alors, on demande aux étudiants de se déshabiller. Ben ouais. On conduit aussi différentes fouilles. On cherche les téléphones cellulaires des gens. On lit leurs messages, les text-messages. C'est assez spécial. On fait même, on force certaines étudiantes à passer des tests pour savoir si elles sont enceintes. OK? Vous avez aussi une école au Connecticut qui veut demander, veut obliger ses écoliers à transporter une carte d'identification avec une chip RFID. Alors, on veut suivre ces personnes-là. Vous savez qu'avec ces fameuses chips, on peut tracer, on peut suivre à distance partout le déplacement de ces étudiants-là. Capoté. Alors, voilà, ça c'est comme ça que ça se passe dans nos États. Ensuite, vous avez ici des étudiants en Californie qui ont reçu justement des petits bidules comme ça où on peut suivre ces étudiants par la suite. Alors, c'est des gens de petits tags, des petits trucs qu'on met dans, qu'on insère dans les vêtements. En général, des écoliers qui doivent porter des uniformes. Alors, à ce moment-là, on sait partout, en tout temps, où sont ces étudiants. Alors, c'est incroyable, la dictature électronique. Et puis, d'ailleurs, ici, vous avez une vidéo qui nous vient de notre correspondant français, Stéphane Poutoir. Très intéressant. C'est une vidéo de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui s'appelle le CNIL, qui est dirigée par Alex Turc. Qui alerte, écoutez, là, c'est assez spécial, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France. C'est vraiment une vidéo ahurissante du président de cette commission-là. Normalement, ces autorités-là sont pour la surveillance, hein, ils sont pour tous ces mécanismes d'État policier. Et puis, de façon assez étonnante, vous avez le directeur de la commission qui, au contraire, lui, est sorti de façon très franche et qui a alerté fermement les pouvoirs publics contre les dangers réels d'Internet et des entreprises qui détiennent les informations personnelles des internautes. Les risques de « big brotherisation » sont réels et concrets. On parle des réseaux sociaux, les nanotechnologies, les chips RFID, le profilage économique, tout y passe. Et ce que l'on dénonce depuis des années en se faisant traiter de fou paranoïaque est devenu maintenant réalité. Mais hélas, trop tard, dit notre correspondant en français. Les déclarations sont maintenant officielles et passent sur la chaîne parlementaire, mais y a-t-il seulement des oreilles pour entendre ou des cerveaux pour réfléchir? Ben, écoute, ça c'était le cri du cœur de Stéphane Poutoir, mais je vais vous dire que on va faire notre possible ici. Là, on va mettre cette nouvelle-là aussi sur les nouvelles internationales et puis allez voir ça. Pensez à ça, chers auditeurs, puis faites circuler la vidéo. Il est temps justement qu'on se pose des questions. On n'a plus de vie privée du tout sur Internet. C'est complètement débile. Je veux dire, il faut absolument là, qu'on mette un frein à ça. Une autre nouvelle d'histoire comme ça d'État policier, c'est ici en Colorado. Vous avez les policiers qui vont commencer à utiliser des scanners de l'iris. Alors, ça, on appelle ça des mesures biométriques. Alors, c'est assez spécial. La police d'État là-bas qui continue d'évoluer vers plus d'État policier. Et on risque d'amener ces scanners de l'iris-là dans tous les États aux États-Unis. Et à ce moment-là, écoutez, là, réellement, là, ça va être bien pire que dans le temps où on avait en Allemagne là, le système des cartes d'identification. Vous avez vos papiers, imaginez, ce ne sera pas vous avez vos papiers, c'est ah oui, on scanne l'iris, le grand. On scanne non seulement les risques, mais aux États-Unis, même pour des infractions mineures de la route, de la circulation de la route, on prend des échantillons d'ADN. On monte des banques d'ADN sur vous. Ensuite, vous avez aux États-Unis la surveillance de toutes les communications. Incroyable! Je veux dire, on a découvert le plus gros réseau d'espionnage de toute l'histoire des États-Unis, qui vient de quel État? Israël. Israël qui, à travers des compagnies comme Converse, filtre de 90 à 95% de tous les appels qui sont faits sur le territoire des États-Unis. C'est énorme! OK? Vous avez 90 à 95% de toute la facturation de tous les appels qui sont faits aux États-Unis sont faits par une compagnie israélienne. Imaginez comment que c'est débile. Et puis là, vous avez des gros, ce qu'on appelle en anglais des routers, qui détournent tous les appels téléphoniques, les appels cellulaires et puis tout le trafic Internet à travers des méga ordinateurs qui sont installés par qui? Par la NSA. L'Agence d'espionnage et d'écoute électronique des États-Unis. Imaginez l'échelle de la situation, OK? À un point tel où vous avez des commissions, je vous disais, des commissions officielles en France où on parle de ça publiquement, vous disant, écoutez, là, signal d'alarme, là, je veux dire, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Si on trouvait totalitaire et complètement inacceptable le système qu'on a vu mis en application en Italie, en Allemagne, je veux dire, durant la Deuxième Guerre mondiale, où on demandait aux gens d'avoir vos papiers, ou si vous n'aviez pas, zap, vous ramassiez dans le fond du goulag, ben là, écoutez ce qui est en train de se passer, c'est 100 fois pire. Alors, allez voir ça, vous avez des vidéos, vous avez le gouvernement qui se donne le droit de suivre tous vos mouvements avec le GPS. Alors ça se passe, ça vient des États-Unis encore, ça a été publié par Yahoo. Ça aussi, c'est assez spécial. Pourquoi? Bien, parce qu'on se sert des dispositifs GPS qui sont dans vos autos pour suivre aussi. Vous avez des agents du gouvernement qui peuvent suivre tous vos allées et venues. Alors, ça viole le quatrième amendement des États-Unis, la Constitution des États-Unis. Mais ça, c'est pas juste aux États-Unis, c'est partout dans les pays du monde. Et puis, vous avez aussi ces fameux chips-là qui se retrouvent dans vos téléphones cellulaires. Et oui, chers auditeurs, on peut suivre vos allées et venues à distance. Et non seulement ça, mais on peut aussi écouter vos conversations, activer des programmes pour écouter toutes vos conversations, lire vos textes messages, c'est complètement débile. Et je vais vous laisser quelques articles justement qui vous montrent comment construire des petits bidules pour jammer ces GPS-là. Alors, des trucs qu'on peut faire à la maison. Alors, vive la résistance. OK. Ensuite, on continue dans l'état policier. Ben écoutez, c'est pas la fin de ça, là. On continue, là. Je veux dire, l'émission achève, mais on va essayer de passer à travers tout cette dossier incroyable. Vous avez ici quelqu'un au Maryland qui fait face à la prison pour avoir filmé la police. Alors, voilà. Alors, filmer la police, vous faites maintenant face à 16 ans de prison. 16 ans de prison. OK? Pourquoi? Ben écoutez bien l'histoire, c'est débile. Vous avez le vidéo YouTube, allez voir ça. Vous avez un gars qui est en train de faire un peu de vitesse sur sa moto. Alors, oui, il a fait de la vitesse, c'est pas correct. La conduite dangereuse, je suis pas pour ça. Il installe sa caméra de son casque de moto et puis là, vous avez un civil, une voiture civile qui l'arrête. On déduit que le gars, c'est un policier qui conduit cette voiture-là. Alors, le gars en voiture, OK, il demande au motocycliste de se ranger, débarque de sa voiture en furie, sort son fusil, puis le pointe directement au visage du motocycliste. Complètement hallucinant. Le motocycliste, lui, qui filmait tout ça, met la vidéo sur YouTube, se fait poursuivre par la police pour avoir filmé ce gars-là. Et non seulement le policier sort de la voiture, qui n'est même pas une voiture de police, identifiée comme telle, mais il sort aussi habillé en civil, sans uniforme, et puis braque son arme comme ça sur le motocycliste. Alors évidemment que c'est assez embarrassant pour cette police-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on y tombe sur le dos et puis on le menace de 16 ans de prison pour avoir filmé ce policier-là. C'est pas ça un état totalitaire, c'est quoi? Je veux dire, hein? Vous savez, même aux États-Unis, un véhicule mobile qui peut circuler dans les rues et qui scanne les voitures avec un méga scanner au rayon X. Hey, c'est pas fantastique. Allez voir la vidéo de ça, vous avez tous les détails. C'est incroyable, le truc qui circule et puis il voit tout ce qui se passe dans votre voiture, tout ce qui est contenu. Alors, bravo pour la vie privée qui va être aussi déployée dans les aéroports et bientôt même dans votre voisinage, bien sûr. Un autre exemple de dérape totale aux États-Unis, c'est le programme d'assassinat d'Obama. OK, alors l'Obama s'est donné le droit de condamner à la mort carrément sommaire, une mort sommaire, c'est-à-dire d'exécuter des gens qu'on va catégoriser comme étant des ennemis d'État. Alors ça aussi, c'est complètement délirant. Et vous avez plusieurs articles là-dessus. Alors la CIA reçoit des mandats d'éliminer certaines personnes qu'on considère comme étant des ennemis. On n'a même pas besoin de se concerner, vraiment de s'inquiéter avec si la personne a le droit d'avoir des droits de se défendre. On n'a pas besoin vraiment de s'inquiéter à mettre la personne sous arrestation. Pas besoin là d'avoir un jugement en cours par ses pairs. Juste besoin d'avoir une balle dans la tête, bidi bang, bidi boom. Ok, donc ça c'est réellement le pouvoir qu'Obama s'est donné. Alors on appelle ça réellement du meurtre ciblé, OK? Et puis, c'est de quoi qui est réellement en train de se passer aux États-Unis. Et vous avez même des poursuites judiciaires contre ça. Vous avez des American Civil Liberties Union qui est en train de poursuivre l'administration Obama, justement, pour avoir implémenté un tel programme qui est complètement contre la Constitution américaine. Je veux dire, c'est débile. Je veux dire, même que d'avoir besoin d'une poursuite en cours pour arrêter un programme d'assassinat comme ça, prouve que les États-Unis est maintenant une nation qui vient de s'effondrer. C'est une nation qui est en banqueroute totale, autant économique que morale. Je veux dire, c'est fini l'histoire des États-Unis, chers auditeurs. C'est du passé. On passe à d'autres choses. Le gouvernement... En fait, c'est un groupe encore de penseurs gouvernementaux qui appellent pour l'infiltration des sites Internet qu'on dit conspirationnistes. Alors, il faut infiltrer les sites Internet. Voilà aussi comment que le gouvernement se comporte. Alors, subversion. Vous avez ici aussi le département de la justice aux États-Unis qui liste les survivalistes, les constitutionnalistes comme étant des extrémistes dans son guide. Alors, voyez, vous êtes de la résistance. Vous parlez, tu sais, ça c'est bizarre, vous avez plusieurs exercices militaires aux États-Unis qui se passent, où vous avez des hélicoptères, vous avez des différents véhicules comme ça qui sont tous peints en noir et qui ne sont pas identifiés. Alors, assez louche, on ne sait même pas si le FBI, si c'est le FEMA, si c'est quelconque autre organisation des États-Unis. Non, c'est des groupes, c'est un peu comme des mercenaires privés. Vous avez des hélicoptères complètement en noir, sans identification aucune, qui s'amusent à faire des exercices militaires aux États-Unis où on détruit des portes de maison, on rentre comme ça, on simule des prises de contrôle de villes. C'est complètement débile. On se pratique à implémenter la loi martiale aux États-Unis. Et puis, si vous questionnez ça, vous faites partie du supposément mouvement patriote et que vous déclarez que ces hélicoptères qui ne sont pas marqués, qui sont tous peints de noir, font partie d'une vaste conspiration qui inclut peut-être les Nations Unies ou le Nouvel Ordre Mondial, c'est que vous êtes un extrémiste dangereux et puis que, un peu comme dans l'ancienne Union soviétique, vous avez besoin d'être interné. Hein? Donc, ne posez pas de questions, tout est beau, c'est normal de voir des hélicoptères noirs non identifiés qui volent dans le ciel et puis qui se pratiquent à instaurer la loi martiale aux États-Unis. Il n'y a aucun problème, circulez. Si vous mentionnez ce fait-là, c'est parce que vous avez un problème mental. Oh boy! Vous avez ici encore la ACLU qui publie une autre nouvelle ici où on apprend qu'on utilise ces fameux heat guns, alors ces fameux... ces armes à micro-ondes, okay, donc qui chauffent votre peau, c'est des armes de torture, et puis on les utilise maintenant dans les prisons aux États-Unis, on l'utilise comme un outil de torture. Alors, si vous avez une chance de vous déplacer du rayon d'action, ben c'est pas pire. Alors, vous n'avez pas l'impression de cuire au micro-ondes, mais dans une petite cellule, puis on vous braque l'instrument sur vous, vous n'avez nulle part où aller. Alors, on torture les gens de cette façon-là, ça laisse aucune marque. Ça laisse rien sur la peau, c'est fantastique. On permet de torturer sans laisser de marque. Voilà! Voilà l'évolution, c'est beau, c'est ça la technologie, ça nous permet de faire les choses bien mieux maintenant. Hein? Alors, ça vient de où, ces fameux heat ray guns qu'on appelle là, ces armes à micro-ondes? Ben, ça vient de l'armée, chers auditeurs. On les a utilisées en Irak et en Afghanistan contre ce qu'on appelle nos ennemis. Hein? N'est-ce pas un peu cynique comme appellation? On utilise ça sur nos ennemis en premier. Et après ça, on importe ça contre nos foules, contre les manifestants du G20. Hein? C'est pas beau, ça? Alors, vous comprenez, chers auditeurs, que si les Américains utilisent ces armes-là contre des ennemis au Moyen-Orient, maintenant sur les prisonniers aux États-Unis, et aussi lors des manifestations comme les G20 et les autres, alors comprenez-vous maintenant qui sont les ennemis? C'est nous les ennemis. C'est nous les ennemis perçus du gouvernement. C'est pas beau, ça. Vous avez même un groupe de vétérans aux États-Unis qui accuse la CIA de bloquer des poursuites judiciaires sur des expérimentations qui ont été faites sur des troupes américaines. Alors, ben oui, dans les années 50 jusqu'à les années 70, l'armée américaine a fait des tests sur environ 8000 soldats comme étant carrément des rats de laboratoire. On a eu à peu près 250 expérimentations comme ça qui ont été faites et on a utilisé environ 400 agents chimiques et biologiques sur ces soldats-là. Ben oui. Alors, comme je parlais la semaine passée, hein, je parlais des soldats qui pensaient défendre leur pays puis défendre des bonnes valeurs en s'enrôlant dans l'armée puis allant combattre à l'étranger. Ben voilà c'est quoi que vous êtes réellement pour l'élite. Voilà comment qu'ils vous traitent. Ils vous traitent comme étant des rats de laboratoire. Et puis ça continue, chers auditeurs, ça continue. C'est d'autres types d'expérimentations qui sont faites de façon bien insidieuse. Et ça, c'est des faits. Écoutez, 8000 soldats aux États-Unis qui ont servi comme des rats de laboratoire pour tester 400 agents chimiques et biologiques. Vous savez, la CIA qui, après ça, bloque les poursuites judiciaires. C'est débile. Alors, voilà. 145 aussi médicaments qui ont été traités, qui ont été expérimentés sous des troupes dans des projets qui s'appellent Bluebird, Artichoke, MK Ultra, MK Delta, et ainsi de suite. Et oui, c'est voilà, c'est ça qui est ça. Alors, nous, on va s'arrêter pour cette semaine, c'est tout. Je veux dire, il est temps de se fermer la trappe et on passe à d'autres choses. Donc, la semaine prochaine, on va revenir avec plus de nouvelles de la Russie, de l'Asie. On va parler un peu de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et du reste du Moyen-Orient. Alors, je vous salue bien, boss, c'était François Marginal pour l'autre monde. Ciao, bye-bye. course of our nation's history, the people have rallied bravely whenever the rights of man have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.